Au Bénin, l'amicale Vive le général Kim Jong-il et le Comité national d'études des études jutées ont publié le 1er janvier une déclaration commune en signe de soutien au message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un.